کجای قیافه؟ ای پوک باکیش مفرنر بیافه. آه ça on se le demande toujours, on se le demandera toujours, mais pourquoi ils sont pas là les petits enfants? Bah d'autant que c'est les vacances, hein, donc bon, les petits-enfants, je veux pas dire, on pourrait y faire un petit effort et écouter vraiment autre chose, puisqu'on est le 23 février, il est 21h, c'est l'heure de vraiment autre chose, parce que vous nous écoutez sur Radio Radio, sur 106.8, donc on se bouge un petit peu les petits-enfants, là c'est sympa de dormir tout le temps, mais il y a un moment où il va falloir être productif, il y a un moment où il va falloir un peu aussi apprendre, et c'est pas en dormant les jeudis soirs à 21h que vous allez du coup suivre le chemin des musiques de traverse, donc si vous vous retrouvez à écouter du rap tout pourri avec vos codeurs quand vous aurez 8 ans, 10 ans et de la variété de merde quand vous aurez 18 ans, ben faudra en prendre qu'à vous. Alors c'est bon, les petits enfants, on se bouge, on allume Radio Radio, les parents, on réveille les enfants, parce que là il va y avoir de la très très bonne musique hein, ce soir, plein. En attendant, on va laisser parler la part de petit enfant qu'il y a entre chacun d'entre nous. Et quand je dis d'entre nous, c'est pas que je sois spécialement schizophrène ou mégalomane, c'est surtout que je ne suis pas seul, puisque dans les studios de Radio Radio m'accompagne l'indispensable Stéphane. Mais salut, bonsoir à toutes et à tous. Et aussi le non moins indispensable, lui pas dans le studio mais avec nous par les voies numériques, j'ai nommé Nico Bogertz. Bonsoir à tous, bienvenue. Et ben voilà, on a une super belle équipe ce soir au complet. Et vous allez voir que les petits-enfants seront pas complètement... Bon là, ils se réveillent, là ils comprennent pas trop ce qui leur arrive. Mais on va passer de la musique. Et ce soir, il y a des sonorités qui vont faire aussi plaisir aux enfants. Parce qu'il va y avoir de l'humour ce soir. Il y a un musicien qui a posé la question de savoir si l'humour appartenait à la musique, à savoir Frank Zappa. C'est pas tout à fait de lui dont il sera question ce soir, mais du groupe Mother of Inventions. Donc je rappelle que vraiment autre chose s'attaque au pied de la lettre, hein, s'attaque à la Nurse with Wound List, comme je le dis à chaque début d'émission. Petit résumé très succinct des émissions précédentes. Bah, la Nurse with Wound List est une liste qui est apparue dans les deux premiers albums du groupe Nurse with Wound. C'est une liste de 293 noms de groupes de musiciens ou de musiciennes qui les ont influencés, qui leur ont donné envie de faire de la musique. Et cette liste-là est devenue presque plus célèbre que le groupe. C'était un peu le must-have de tous les amateurs et les amatrices de musique progressive et expérimentale dans les années 80. Ça a donné des moments savoureux, comme des musiciens internationaux qui arrivent à Paris, je pense à notamment, mais c'est Nico qui nous avait raconté ça, Sonic Youth, ils arrivent à Paris, ils veulent rencontrer Jean-Jacques Birger parce qu'il fait partie de la Nurse with Wound List. Il y a Trent Reznor aussi, pareil. J'ai lu une interview de Jean-Jacques Birger, il raconte que Trent Reznor veut absolument le rencontrer, le leader de Nine Inch Nails, pour les mêmes raisons, parce qu'il est dans la Nurse with Wound List. Enfin voilà, c'est vraiment une liste qui est devenue hyper célèbre. La BBC a consacré une émission de 4 heures. Nous, à Radio Radio, on a décidé d'y consacrer un nombre incalculable d'émissions de 3h30, 4 heures. Ça voilà. Fera des jours. Ouais, là pour le coup, ouais, on va attaquer la 29e. Ce sera le 29e au pied de la lettre que vous écoutez actuellement. 29e émission. Ça fait quasiment 90 heures. C'est ça. Ouais. Bravo. Ouais, je pense qu'à la fin, ça va être un espèce de gros marathon. Et ce soir, donc, on continue la lettre M. La précédente émission était majoritairement consacrée à Magma. Vous pouvez l'écouter en podcast il y a pas mal de plateformes. Il y a la plateforme Mixcloud de vraiment autre chose et de Radio Radio, où les émissions restent en podcast un temps. Des fois, elles sont censurées parce que cette plateforme a une politique comme quoi ils veulent pas plus de 3 morceaux du même artiste. Et des fois, notamment Magma, c'est compliqué d'en parler et passer pas plus de 3 morceaux. Donc on a mis des players alternatifs, des liens de téléchargement, enfin bref, vous pouvez tout télécharger, écouter ça chez vous, voilà, vraiment autre chose peut vous accompagner à tout moment. Là vous êtes en direct, ça fait plaisir, peut-être que vous nous écoutez sur Bram FM, auquel cas nous sommes le vendredi à 22h30 et on salue nos copains de la Corrèze, nos copaines de la Corrèze de Bram FM, et ça fait plaisir que cette émission soit diffusée là-bas. Et puis voilà, qui sait, peut-être que dans 100 ans cette émission sera encore diffusée quelque part, mais là pour l'instant nous ne sommes que le 23 février 2023 et nous allons donc attaquer l'émission 203, comme quoi il ne faut pas dire jamais 203, car ce sera la 203e émission de vraiment autre chose au pied de la lettre 29. Thank you. Et c'est Stéphane avec sa magnifique voix qui va nous raconter, qui va nous parler. Ben, on va triper ce soir parce qu'il y aura les Mothers. Ah ben exactement. Ce soir, il n'y a pas les mamans. Et si, justement. Ben, les petits, du début, ils avaient besoin d'une maman et d'une maman inventive. Et Frank Zappa leur a donné. Donc, les Mothers of Invention, c'est un groupe, donc le groupe de Frank Zappa qui a officié de 1964 à 1975 et qui a sorti quand même pléthore d'albums, alors que je les compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 sous le nom de The Mothers of Invention. Puis il y en a eu 5 ou 6 autres là, au débeauté là, avec le nom The Mothers. La première mouture des Mothers of Invention, c'est celle qu'on a choisi de traiter dans la nurse, enfin dans l'émission, puisque c'est ce nom qui est dans la liste de Mothers of Invention et pas de Mothers. Donc on a dit, on va le prendre au pied de la lettre et on s'arrêtera donc à la période 1970 jusqu'après. On peut préciser que Frank Zappa apparaît à la lettre Z, donc, et que donc, voilà, ne soyez pas trop sevrés, il n'y aura pas tout Zappa ce soir. Par contre, on conclura nos au pied de la lettre par une spéciale Frank Zappa, ce sera beaucoup plus tard. Ce soir, effectivement, ce n'est pas les Mothers, ce n'est pas Frank Zappa, c'est Mothers of Invention. Exactement. D'ailleurs, leur premier album sort en 1964, il s'appelle, 1966, il s'appelle Freak Out. Et d'entrée, il détonne un peu. C'est une sorte de blues assez gros, avec des textes déjà assez engagés, humoristiques, des textes sociaux. Et l'aventure des Mothers se tourne autour de... Je vous dirai les musiciens un petit peu après, quand on va présenter l'album. Donc voilà. Pour commencer, je veux quand même préciser qu'on va traiter ce sujet, c'est quand même assez vaste, on pourrait y passer, ne serait-ce que sur la partie 66 à 70, on pourrait y passer 3 heures à écouter ça. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous présenter un album qui s'appelle Ahead of That Time, qui est sorti en 1993. C'est un concert qui a eu lieu le 28 octobre 1968 à Londres, au Royal Albert Hall. C'est un spectacle sous forme de... On appellerait ça happening aujourd'hui. Il y a des musiciens de la BBC, il y a le groupe The Mothers of Invention qui joue un spectacle sur le thème The Plot of Progress. Et donc à cette occasion-là, Frank Zappa fait une première partie de son spectacle avec donc des musiciens de la BBC, une quinzaine, où il propose sa musique contemporaine, jouée par les Mothers et l'orchestre. Donc une musique contemporaine, évidemment, on connaît pour ceux qui ne connaissent pas Zappa, c'est quelqu'un d'influencé par Edgar Varèse, Stravinsky. On en parlera quand on parlera du personnage à la fin. Et donc, les musiques contemporaines, il collaborera plus tard avec Pierre Boulez. Donc, avec cet orchestre, il se permet, dans une première partie, de faire ce spectacle un petit peu happening, avec dialogue, bouffonnerie, enfin bref. Deuxième partie du spectacle, il propose un spectacle rock, et comme à l'époque, les Mothers of Invention ne savaient pas à quoi s'attendre, il joue pendant à peu près une cinquantaine de minutes un show rock'n'roll sans interruption. Ça peut chanter, c'est assez instrumental, il y a des voix de temps en temps, et c'est tout improvisé. Le fait est que tous les morceaux viennent d'albums précédents ou d'albums à paraître. Et c'est donc, en fait, c'est comme s'il nous proposait un pot pourri de différents morceaux de ses albums, et il les agence, selon l'ordre qui lui convient, il les réinterprète avec les musiciens qu'il a à ce moment-là, il les rejoue avec un autre tempo. La musique de Frank Zappa, c'est ça, c'est protéiforme, un morceau peut être joué de plusieurs façons différentes. Donc ce que je vous propose, c'est d'écouter d'abord 3 morceaux qui sont issus d'albums studio de Frank Zappa. On va écouter dans l'ordre A Pound for Brown, qui est sur l'album Uncle Meat de 1969. Ensuite, on écoutera Harry, You Are Beast, qui est sur We're Only In It For The Money de 1968, qui parodie la pochette des Sgt. Pepper des Beatles. Et enfin, on écoutera Hono sur... Weasels Ripped My Flesh, paru en 1970, donc après le concert. Écoute, on le passe et puis on verra si on discute entre les morceaux, si tu as besoin. Et... Ça fait longtemps qu'on s'était pas laissé prendre par la technique, il s'est mis en boucle. Écoute, c'est comme ça. C'était donc A Pound for Brown, qui est sur l'album Uncle Meat. Je vais vous présenter quand même les musiciens des Mothers of Invention. Là, j'ai pas les musiciens sur l'album Uncle Meat, je l'ai pas sur moi. Mais globalement, à cette période, on retrouve Jimmy Carl Black, le célèbre batteur. L'infâme Roy Estrada, infâme parce que comme Gary Glitter, bref, pédophilie, tout ça, le bassiste, Bun Garner à la clarinette et au saxophone ténor, le claviériste Don Preston, qui est un des premiers, on va dire, virtuoses du Moog, Don Preston, qui s'occupe de piano électrique, de bruitage. Il y a Jim Motorhead, est-ce que c'est lui qui a donné ce surnom au groupe Sherwood, qui fait du saxophone baryton et de temps en temps du tambourin. On a aussi Arthur Dyer Tripp III, qui joue aussi de la batterie et des percussions. Ian Underwood est un pianiste et saxophone alto, et Frank Zappa est à la guitare, au chant, à la composition, à l'arrangement, à tout ce que vous voulez. On va écouter Harry, You're a Beast, qui est donc sur l'album de We Only In It For The Money. Retenez bien les thèmes, parce qu'on va les réécouter, calés dans l'album qu'on écoutera après, dans la suite. Voilà, ça s'arrête comme ça, parce que sur l'album We Are Only In It For The Money, c'est un album concept, et donc à l'époque c'était évidemment le tourne-disque, et tout s'enchaîne. Donc, c'est un petit extrait. Et dans l'album, dans le concert qu'on va écouter tout à l'heure, ça s'enchaîne pareil. C'est continu, c'est fabuleux. Bref, on va y finir. Donc, je vous dis, retenez bien ces petites mélodies. Celle-là, elle était chantée, elle ne le sera pas sur le concert, je vous le dis de suite. Oh No, on va écouter ça. Il est sur un album qui s'appelle Lumpy Gravy, qui est un album sous le nom de Frank Zappa. Je crois que c'est un de ses premiers. C'est un album très expérimental avec du bruitisme, beaucoup de dialogues, de temps en temps quelques morceaux, dont le fameux Take Your Clothes Off When You Dance, avec une version surf magnifique. Je ne crois pas qu'il ait fait mieux depuis, enfin à mon goût. Et Ono, donc, il la joue sur, en live et il décide de la rejouer plus tard sur l'album de 1970, très expérimental, comme Uncle Meat d'ailleurs. Weasels Ripped My Flesh. Oh No. Oh no! Oh no, I don't believe it. You say that you think you know the meaning of love. You say love is all we need. You say with your love you can change all of the fools, all of the hate. I think you're probably out to love. Ah ah, et voilà. Il y aura une suite à ce morceau pendant le concert. Donc c'était trois extraits des albums Uncle Meat, superbe album, double album avec une face complètement expérimentale. Weasels Rip My Flesh, pareil. Et le célèbre « We only need for the money ». Alors moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres après l'écoute. Bon, déjà, ça donne vraiment envie d'en écouter plus. Donc bon, on reviendra sur ces albums dans la spéciale Frank Zappa. Et du reste, tout à l'heure, on va écouter un grand extrait de ce concert dont tu parles. On va réentendre ces morceaux-là dans un autre contexte. Ça, et des morceaux d'autres albums que je vous citerai après. Ouais. Ouais. Mais alors du coup, ça m'a interloqué quand tu as dit l'album qui s'appelle « We're only need for the money » et La pochette est une caricature de Sgt. Pepper. Ça veut dire qu'il y avait un propos genre pour se moquer des Beatles, de la pop et pour se placer comme étant non commercial ou... Non, pas du tout. C'est juste du pastiche pur. Ils le font avec des légumes. Non, c'est un délire complet. Alors, j'ai pas d'anecdotes très précises. Et puis, il y a des zappaophiles, je sais pas comment on dit, des zappaphiles qui... Peut-être Nico, tu le sais. Mais que je sache, non, c'est juste une parodie et le titre est assez évocateur, mais il n'est pas censé se foutre de la gueule des Beatles en particulier. Voilà. Ok. Nico, t'as quelque chose à ajouter là-dessus ? Il est pote avec John Lennon plus tard. Non. C'est un peu comme The Residents, je pense, hein, que les gens pensent tel ou tel musicien, mais je pense qu'il n'y a pas de lien. Ok, ouais, c'est plus détourner un album icône que spécialement critiquer les gens qui l'ont fait. Ouais, puis il le fait assez vite, puisque l'album date de 68 et l'autre de début 67, je dirais, Sgt. Pepper, donc il se dépêche. Je sais que Paul McCartney avait beaucoup aimé l'album We Only Need For The Money, alors qu'il, sur le coup, ça l'avait fait tiquer, et qu'il était fan des trucs de Zappa... Bruitage, Lumpy Gravy, tout ça, Freak Out. Je sais que McCartney, je l'ai lu, qui aimait bien Frank Zappa. Voilà. Bon, tout ça, on revient sur l'album Ahead of the Time, que j'ai donc choisi pour résumer cette carrière en une demi-heure. Je vous dis, c'est assez compliqué de parler des Mothers of Invention et de se faire une sélection sans faire de blabla autour. Donc, je vous invite à vous plonger dans cette discographie de Mothers of Invention. Je rappelle les albums Freak Out en 66, pardon. Absolutely Free en 67, We Only Need For The Money en 68, Cruising With Ruben And The Jet, un album assez surprenant, où c'est du sirop, il s'amuse à faire des chansons de doo-wop. C'est, moi qui aime bien le doo-wop et tout, c'est pas le truc qui m'éclate le plus chez Frank Zappa. Uncle Meat, donc en 69, Burnt Winnie Sandwich en 70, et toujours en 70, Weasels Rip My Flesh. Après ça, il fera une pause et il embauchera les chanteurs des Turtles, Howard Kellan et... Ah, j'ai oublié l'autre. Bref, ces deux chanteurs assez fabuleux. Il y a le bassiste aussi des Turtles, d'autres musiciens, et il y aura une seconde mouture. Pareil, avec des spectacles complètement délirants, avec des happenings complètement foufou. Et ensuite, toujours, une autre formation avec des musiciens de jazz comme George Duke, Napoléon Murphy Brock, saxophoniste et chanteur. Ce sera un petit peu plus jazz-rock et l'aventure Mothers s'arrêtera en 1975. Donc on revient en 68, Ahead of the Time, le Royal Albert Hall. Je vous ai dit, la première partie, c'est de la musique contemporaine, on pourrait dire dodécaphonique, sérielle, c'est un hommage à toutes ces influences, que ce soit Varèse, Anton Webern, Stravinsky, qui vous voulez, de ce genre de compositeurs contemporains du 21e siècle. Du 20e, pardon. On va écouter un titre qui paraîtra sur l'album Weasels Rip My Flesh, réarrangé différemment, évidemment. The Rejected Mexican Pop Leaves the Stage. The Rejected Mexican Pop Leaves the Stage. Voilà, on sent bien que le public se marre bien, on ne voit pas ce qui se passe, il paraît que le concert a été filmé, mais je ne sais pas si on verra un jour quoi que ce soit de ce concert. D'autre part, d'autant plus que cet album est quand même reconnu pour la qualité de sa musique, mais pas pour la qualité du son. Ça a été enregistré sur un deux-pistes... deux pistes, tout simplement, à l'époque, truc à cassette. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt bon, le son. C'est très brut. Tant pis si on n'entend pas de façon claire un peu tous les instruments, mais c'est ça, le rock'n'roll. Et ça donne quelque chose d'assez clair, malgré que tout ce bruit, tout ce vacarme que cette musique peut provoquer. Alors, on va passer au gros du morceau. Et on se revoit dans une vingtaine de minutes, un truc comme ça, 25 minutes. On va écouter donc la suite de ce concert, mais sans s'arrêter. Donc après l'épilogue de ce happening, de ce plot of progress, ils enchaînent avec King Kong, qu'on n'écoutera pas, parce que sinon ça va être très très long. Et on va enchaîner avec Alpheimer Rock, donc on retrouve sur l'album, que je vous dise pas de bêtises... Help I'm a Rock, je crois qu'il est sur Freak Out. Ensuite, je ne vais pas vous dire tous les titres, sinon ça, on n'en finit plus. Transylvania Boogie, Pound for a Brown, qu'on a écouté, donc, qui durait une petite minute 29. Cette fois-ci, ça va durer 6 minutes 50. Sleeping in a Jar, Let's Make the Water Turn Black. Harry, You're a Beast, on l'a écouté. Orange County Lumber Truck, Part 1. Oh No! Et ensuite, ce sera Orange County Lumber Truck Part 2. C'est très long, ça dure 10 minutes, ça finit en jam. On vous laissera écouter la suite chez vous. On passera un petit peu... dès que la transition sera faite et que ça part sur le solo, on reviendra et on débriefera un peu tout ça. C'est parti. On part du même principe qu'on avait fait pour King Crimson, se dire que tiens, Stephen Stapleton, John Fogerty et le troisième larron de Nurse With Wound ont peut-être découvert cette musique-là en live. Peut-être sûrement qu'ils étaient à ce concert-là. C'est tout à fait possible. Peut-être celui-là. En tout cas, il est clair qu'ils étaient très connus pour leur scène, évidemment. Donc, ils n'hésitaient pas à tourner en Europe et en Angleterre, en France, même que Zappa n'est pas... Et pas trop la France, mais bon, ils ont joué partout en Europe, donc il est fort probable qu'il les ait vus, oui. On pourra demander à Nico, notre spécialiste en Nurse With Wound, en quoi la musique de Frank Zappa aura influencé ce groupe-là. Bah, d'ici là, ouais, c'est parti donc pour une demi-heure de plongée dans un concert de Magma des années 60, c'est trop bien, c'est super. De Magma, de Frank Zappa. De Frank Zappa, pardon, je suis encore resté la semaine dernière. D'ailleurs, tiens, Frank Zappa et Magma, il y a beaucoup de gens qui les comparent. Vander lui-même, j'ai lu dans une interview, ne comprend pas trop la comparaison. Mais je dirais que Teddy Lasserie, l'arrangeur, enfin tous les musiciens qui étaient sur les premiers albums, Cobaya et Milan Degré Centigrade, eux écoutaient Frank Zappa et étaient assez influencés par les mélodies qui sont quand même assez typiques, quoi. Là, on va l'entendre pendant 20 minutes, on l'a entendu. Il y a quand même une forme mélodique qu'on reconnaît. Alors là, je ne peux pas vous dire, tiens, c'est des septièmes bémols et tous ces trucs-là, on s'en fout. Mais on le reconnaît quand même, hein, Frank Zappa, une fois qu'on est accoutumé à ces mélodies un peu tordues, qui ne respectent pas toujours les quatre temps, mais elles sont toujours bien ciselées et toujours très fines. Bah, du reste, quand j'avais 20 ans que j'ai découvert Magma, enfin en même temps que toi d'ailleurs Stéphane, une rumeur circulait, je ne sais pas si c'est vrai, que Frank Zappa avait déclaré que Magma était le seul groupe intéressant à écouter dans les groupes européens. Alors je pense que pour moi, ça sent le gars qui un jour a discuté, parce que celui qui nous l'a dit, je pense que c'est un type qui lui a dit « Ouais, tu sais, Magma c'est tellement bien que même Frank Zappa il a dit que c'était le seul groupe intéressant d'Europe, tu vois. » L'autre « Ah ouais, super, je vais écouter Magma, ça va, je suis sûr, il a dû parler un fan de Zappa, lui sortir ce bobard pour l'inciter à écouter Magma, quoi. Bon, en tout cas, voilà, deux artistes qui, à leur façon, auront ingéré le rock, le jazz et la musique contemporaine pour en faire une œuvre qui sera restée dans l'histoire. Allez, c'est parti donc pour 31 minutes de medley de Ahead of Their Times. Donc, Frank Zappa, tu disais, au Royal Albert Hall à Londres. En 68, voilà. Allez, c'est parti. We'll be right back. You know, it's a Voilà, c'était donc, et c'est toujours Frank Zappa en fond qui nous fait son solo de guitare pour terminer son concert à Londres en 1968. L'album c'est Ahead of the Time et le dernier titre c'est Orange County Lumber Truck Part 2, que vous pouvez retrouver sur l'album, je pense c'est Weasels Rip My Flesh. Voilà, donc j'espère que ça vous a donné une idée de ce qu'étaient les Mothers of Invention en concert. Et aussi, effectivement, tous ces morceaux, ils ne sont pas sur un seul album, mais éclatés sur plusieurs, qui sont Uncle Meat, Burnt Winnie Sandwich, Weasel Rip My Flesh, We Only Need It For The Money, Chungus Revenge, un album solo de Zappa d'ailleurs, Absolutely Free et Freak Out. Ah, c'est assez fou, donc en fait on se rend compte que c'est des morceaux qui sont tous issus d'albums différents, donc qui sont agencés différemment dans les albums, et que là, il y a une écriture spéciale pour le live, pour faire un medley, quoi. Exactement, et ils prenaient pas mal de temps à faire des répètes, c'était des gros travailleurs, donc Teresa a pas cette réputation d'être très exigeante, très, peut-être même un peu tyrannique par moments, mais effectivement, il laissait des places aux improvisations, comme on peut l'attendre, mais le reste, quand c'est écrit, quoi. Ce qui est d'autant plus étonnant avec les Mothers of Invention, c'est que c'est pas vraiment des musiciens de jazz. On sent qu'il va y avoir du jazz rock, mais ils interprètent de la musique contemporaine, des musiques, voilà, ces mélodies un peu étranges qui, je ne sais pas, pour moi c'est Frank Zappa, enfin, c'est assez curieux comme mélodie, et voilà, ils peuvent jouer des sortes de polkas, des rythmes très groove, très funk, très greasy, très soul, très psyché. Ça peut rappeler des fois, par moments, la basse des Doors, un titre. Voilà, on est vraiment dans les années 60 et en même temps en avant de leur temps. Ahead of the time. Ils ont vraiment ils osent tout. Et donc, ce qui fait de Frank Zappa un musicien unique, et de ces musiciens assez étonnants, puisqu'on ne les retrouvera pas forcément après. Des musiciens comme les musiciens de Magma, ils passent chez Frank Zappa et puis après ils font pas forcément tous des grandes carrières, si Steve Vai, etc. plus tard, mais voilà, il s'orientera vers un jazz rock un peu plus propre, un peu plus technique peut-être par moment, dans les années 70. Ça restera toujours assez fou, mais ce sera quand même le son des années 70. Là, j'aime beaucoup ce son brut de fonte, comme dirait Magma. Deux pistes au Royal Albert Hall, l'acoustique suffit, les musiciens suffisent. Ça bave un peu par-ci par-là, mais ça reste de très bonne qualité, et c'est un très beau témoignage de ce groupe à cette époque. Je vous encourage donc à écouter particulièrement Uncle Meat, Weasel Rip My Flesh si vous êtes vraiment aventureux, et surtout We Only Need It For The Money. C'est les classiques, les autres vous les découvrez au fur et à mesure, voilà. Voilà, voilà. Nico, qu'est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur un aussi vaste sujet que les Mothers of Invention? Ah, c'était... Ouais, c'est... Comment dire? C'est... Je trouve toujours la conversation qui était assez importante pour Frank Zappa, spécialement si on écoute les albums, pas le live, mais vraiment les albums. Là, on voit vraiment clair que c'est un travail incroyable, minutieusement... C'est waouh, c'est fantastique. C'est un trip. Si tu écoutes un album de Frank Zappa, c'est vraiment un trip total. Ouais, puis c'est fou de voir toutes ces influences là dont tu parlais tout à l'heure, enfin mélanger, créer une nouvelle musique, quoi. Mais t'as cité plein de trucs. Moi, j'ai par moments entendu des choses qui me rappelaient Magma, ou voire qui me rappelaient carrément Stravinsky. Ouais. C'est et tout ça avec y a un de ces albums là qui s'appelle Does Humor Belongs in Music, ou To Music, pardon. Voilà, il y a cet humour aussi. C'est pour ça que je disais que les petits enfants, hein, peut-être que ceux qui sont réveillés, doivent bien s'éclater, parce que c'est, il y a quelque chose de je sais pas, de joyeux, d'enfantin dans les thèmes, oui. Et en même temps c'est une écriture de malade. Enfin, c'est impressionnant. En plus là, tu me parles d'un album avec 15 musiciens de l'orchestre de la BBC qui viennent en renfort. Enfin, donc du coup il y a un travail d'orchestration qui est assez monumental. Ouais, quand il joue pas de la guitare, il est chef d'orchestre, hein. Il joue souvent dos au public, et s'il faut baisser, etc., faire ce qu'on appelle aujourd'hui du sound painting, Zappa le faisait, l'a perfectionné. Il avait fait à outrance le fameux « je me tiens les balls », quoi, et le groupe part en hard rock. il fait semblant de se remettre une dread derrière la tête. Il faut faire un reggae. Voilà, c'est, il avait des codes, des codes pour faire jouer son groupe. Ouais. Assez amusant. Ah, c'est fou. Je pense aussi que Frank Zappa était un grand inspirateur pour John Zorn avec son Cobra, tu vois, où qu'il dirige un peu l'orchestre et que chacun peut laisser y aller dans toutes les directions différentes. Oui, complètement, oui. C'est ça, c'est très écrit et en même temps, il y a une part d'improvisation dans tout ça. Donc, ouais, on entend du jazz, du rock, du funk, enfin tous les styles de rock et de rhythm and blues, les musiques, comment on dit, afro-américaines, la musique européenne, mix de tout. Mais il y en a vraiment de l'improvisation là-dedans ? J'ai l'impression que c'est hyper écrit. Enfin, je veux bien que les solos soient improvisés, mais j'ai l'impression que le jeu d'ensemble, il est écrit au poil. À un moment, on sent qu'il y a... Parce qu'il l'est répété quand même. Donc, c'est une improvisation, mais sur... Donc, il répète le truc, mais à un moment, on sent qu'il fait baisser. Il joue plus. Moi, pour moi, il est en train de... Il joue plus de guitare. Il est en train de dire à l'orchestre de baisser, de remonter subitement, etc. Donc... Je ne sais pas si c'est des improvisations, mais en tout cas des effets d'orchestration, peut-être par moment, enfin, sur-improvisés. Et c'était sur ce concert, je ne sais pas, mais je sais qu'il l'a, il a fait largement par la suite. Ouais. Ouais. Après, un solo de sax, à l'époque, Murphy Brown, il joue le solo de sax qu'il a envie, quoi, tant qu'il est bon. Non, les solos, évidemment. Ouais. Ouais. Je parlais plus des structures. En fait, tu veux dire que c'est la direction qui est improvisée. Ouais. Comme John Zorn, pour revenir à ce que disait. Oui, oui, il se laisse des plages d'improvisation dans la direction. Ouais, ouais. Ouais. Il répète les concerts pendant 15 jours, mais il y a des plages, allez hop. Si le public lui prend la tête, il est capable de faire des clusters pendant 5-10 minutes avec du bruit, parce que le public, il le trouve chiant, grossier, qui fait boue, etc. Si le public est bon, il va se lâcher. Donc, ouais, c'est un personnage assez particulier, oui, Frank Zappa. Ouais, et si je pense ici que c'est vraiment bien écrit. Mais comme John Zorn, c'est justement lui, il fait ça en improvisation, tu vois. Ici, ils vont dans des styles différents. Deux minutes, ils ont dans plusieurs styles différents. Et ce que John Zorn fait avec Cobra, aussi d'y aller dans toutes les directions. Mais on est vraiment dans l'improvisation. Ici, c'est vraiment bien écrit. On entend ça bien, mais c'est super. Ouais, c'est vraiment fantastique. Il est 22h01. Ah ben voilà, une heure sur les Mothers. Voilà, 22h01 sur Radio 106.8 ou peut-être 23h30 sur Bram FM ou l'heure qu'il est si vous nous écoutez dans nos diverses plateformes qui permettent d'écouter ces émissions à l'heure qu'on veut, plus une heure depuis le début que vous avez commencé à l'écouter. Voilà. Sur ce point horaire, sans transition et en même temps avec une transition, moi je vais parler d'Albert Marker. Albert Marker qui a été assez souvent cité, institué comme étant le Frank Zappa français. Mm-hmm. Voilà. Donc du coup, ça fait sens. Après, est-ce que cette comparaison fait sens ? Est-ce que c'est parce qu'il arborait lui-même une paire de bacchantes assez formidable et qu'il faisait une musique un peu barrée ? On peut voir quand même pas mal de points communs entre... Frank Zappa et Albert Marker, et en tout cas c'est vraiment parfait de parler d'Albert Marker maintenant, juste après avoir écouté ça. J'ai plein de questions moi, si tu m'y réponds pas. Ah ouais, bah écoute, je t'avoue, je suis un gros fan d'Albert Marker, mais j'ai dû piocher un peu pour de la bio, etc. Je suis pas un fan à connaître les dates, etc. Donc ce que je vais vous lire un petit peu des notes que j'ai prises, et notamment aussi des extraits que j'ai lus, tiens, il est temps que je leur rende hommage. C'est un livre qui s'appelle L'Underground Musical en France, signé Eric Day et Dominique Grimaud, qui est paru chez Le Mot et le Reste. Et moi, très souvent, je mets de livres de cette collection, Le Mot et le Reste, ils en ont fait beaucoup sur la musique underground, sur la musique psyché, sur il y a un spécial King Crimson signé de notre ami Aymeric Leroy qui a fait une bible du rock progressif aussi. Enfin bref, sur pas mal de genres de musique de ces années-là, on va trouver matière à raconter des histoires en lisant les livres de Le Mot et le Reste. Donc je vous recommande vraiment cette magnifique édition. Voilà. Donc pour parler d'Albert Marker, bon, on travaille, nous, quand on prépare les émissions, on cherche des bios, par exemple, on lit des livres, tout bêtement, surtout, on écoute de la musique. Donc, c'est vraiment un travail facile. Mais il y a ce qu'Homer Simpson appellerait l'élimination. Quand on écoute les trois premiers albums de Albert Marker, qui sont sortis donc avant la parution de la liste, à savoir l'album éponyme Albert Marker, l'album à colorier et Armes et Cycles, Je crois que le plus compliqué, c'est de choisir quel morceau on va pas passer. C'est vraiment une œuvre qui est incroyable. Il y a pas de face B, il y a pas de mauvais morceaux, je trouve. Alors, il a une discographie certes moins foisonnante que Frank Zappa par exemple. Par contre, on sent vraiment ce point commun du souci du détail dans l'écriture. C'est quand même assez extra. Et j'ai pas trop envie de trop parler parce que j'aimerais qu'on en écoute beaucoup parce que j'ai eu du mal à éliminer. Du coup, je vais plutôt éliminer ce que j'allais raconter. Des fois, la musique, une question à ma gauche. Juste une question. Est-ce qu'il est musicien ? Il est saxophoniste. Il est saxophoniste. Il a une formation musicien. Tout à fait. Et saxophoniste, il touche à plusieurs instruments d'ailleurs. Il est plutôt percussionniste maintenant. Enfin, encore les spectacles qu'il fait maintenant en général. Enfin, les deux derniers spectacles dans lesquels j'ai pu le voir en tant que musicien, il est assis à une table et il joue de la table. D'accord. Et il en joue fort bien. Et il a aussi le don de s'entourer de formations musicales d'un niveau incroyable, et puis un talent dans l'écriture, dans la composition, dans les arrangements. Enfin bref, je pourrais recopier certains des adjectifs que tu as utilisés pour Frank Zappa et qu'on peut utiliser pour tous les grands artistes. Le monsieur dont je vais parler maintenant est vraiment un grand artiste. Je vais raconter un petit peu sa vie, mais très très vite fait. Pour dire qu'il fait des études de clarinette, d'ailleurs il est clarinettiste aussi au début, au conservatoire de Dijon. Il donne ses premiers concerts à partir de 63 dans un groupe qui s'appelle The Jazz Babies, et ensuite il rejoint le groupe The Lakes Men. Il écume les tremplins rock de la région. Au début des années 70, il est musicien appointé, en fait c'est surtout là que ça démarre pour lui, au studio de Jacques Dangean. Jacques Dangean, c'est un gars qui a un studio plutôt pour la variété tout terrain. Viens enregistrer dans mon studio, et viens enregistrer dans mon studio d'autant plus que je te fournis aussi les musiciens si tu veux. Et c'est le cas d'Albert Marker et de pas mal de musiciens de se retrouver là-bas à venir faire le musicien d'appoint pour un titre. D'accord. De variété. Et par contre, l'avantage pour lui, non seulement de toucher de l'argent en étant musicien, mais surtout d'avoir à sa disposition ce studio. Parce que quand tout le monde s'en va, lui, il a le studio pour lui tout seul. Et il y a un multipiste. Et là, il se régale. Et c'est là qu'il commence à créer, à inventer ses premiers morceaux, bien avant d'imaginer les faire paraître sur un album. On va s'écouter. Je sais pas si c'est les deux premiers morceaux qu'il a créés. En tout cas, c'est les deux premiers morceaux qui ouvrent son premier album. Donc, l'album s'appelle Albert Marker. Il sort en 1974 dans des conditions rocambolesques que je vous raconterai plus tard. Pour l'instant, on s'écoute donc. C'est vraiment parfait pour démarrer. C'est raté. Donc là, on entend toute la poésie absurde de d'Albert Marker, et aussi le fait que je peux comprendre que quelqu'un comme Stephen Stapleton, qui comprenait pas forcément les paroles, se soit laissé quand même bien attirer parce que la musique est mortelle. Et juste après, un instrumental. Il y en a en général un ou deux par album d'Albert Marker. Celui-ci, c'est Simone. Donc on s'écoute en enchaîné les deux premiers titres de la première face du premier album d'Albert Marker. Donc Albert Marker, l'album s'appelle comme ça, et c'est en 74. Donc C'est raté, suivi de Simone. Voilà, je voulais pas trop parler, mais apparemment, c'est raté. Quand on s'énerve, ça rate toujours. Depuis le temps que j'essaie de récupérer tous les péchés du monde pour les mettre dans une vitrine et les regarder à loisir, on y mettrait des bijoux dans cette vitrine pour attirer l'œil de tout le monde. Et cette nuit, on a dévalisé la vitrine. Dans les bois du château de Plessis-Vallières avait lieu comme tous les ans une chasse à cour. Pour divertir les nombreux amis de Monsieur Laberte, la veille j'y avais installé des cerfs et des chevreuils empaillés. Fée Carapace les a changés en vrai. C'est raté, quand on s'énerve on rate toujours. C'est raté, toussais, je retoussais. Et la sève ne venait pas. Je retroussais encore plus vite, encore plus fort. J'imaginais. Et la sève ne venait pas. Et la sève n'est pas venue. C'est raté. Quand on s'énerve, on rate toujours. Oh, j'espère vraiment, mais vraiment, mais vraiment qu'ils ne sont pas couchés les petits-enfants, parce que sincèrement, waouh. Wow. Voilà. C'est super beau, c'est très étrange. Ouais, j'aime beaucoup. C'est vraiment le tout début de la carrière de Albert Marker. On va en entendre beaucoup des titres d'Albert Marker et tu vas voir, tout n'a pas forcément la couleur de ce qu'on vient d'entendre. Mais quoi de mieux pour s'introduire à la musique d'un musicien que d'écouter ce par quoi il a introduit sa discographie. Donc cet album-là, donc je vous disais, il enregistre un petit peu en sous-marin, quoi, dans ce studio, grâce au multipiste. Donc il joue pas mal d'instruments, puis il se fait aider par des musiciens, le bassiste et guitariste Patrick Tison, le tromboniste Robert Laffont, et aussi ses frères Claude et Gérard, qui vont le suivre d'ailleurs tout au long de sa carrière. Il y a une fratrie Marker. Que dire de plus que cet album-là, donc il va en parler donc du coup à Jacques Dangean, le propriétaire du studio, en disant ouais bon ben voilà, j'ai enregistré ça, ouais bon ouais c'est ouais ok c'est pas ouais si c'est bien d'aller, je connais des contacts, etc. Bref, l'album finit par sortir en 1974 chez W.A. Filipacchi, mais la maison de disques ne fait aucune promotion, puis supprime carrément l'album de son catalogue, allant même jusqu'à détruire le stock pour éviter de payer la TVA et les frais de stockage. Voilà ce qui s'est passé pour ce pauvre premier album qui sera réédité en 88, je crois, enfin beaucoup, beaucoup plus tard. Mais quelques copies sont quand même sorties, hein, ça a pu se vendre un petit peu, mais voilà, très vite, on a stoppé à la source la parution de cet album-là. Difficile de savoir si Steve Stapleton, John Fokker's Hill ont eu l'occasion de le faire passer dans leurs oreilles. En tout cas... peut-être, et de toute façon on va quand même écouter la suite parce que c'est quand même super bien. Voilà donc tout premier album d'Albert Marker, donc il s'appelle Albert Marker, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis maintenant, ça a été un crève-cœur de virer des morceaux, c'est tout est hyper bien en fait. En vrai, si vous écoutez, vous allez dire mais pourquoi tu mets pas, tu tapes trop fort, elle est mortelle, pourquoi tu mets... Ouais, elles sont toutes mortelles, il y a rien à dire. Il a fallu faire un choix pas facile, bah, alors du coup... C'est une bonne idée, comme t'as dit, introduire... ce par quoi ça commence, les morceaux qu'il a choisis pour que ce soit la première fois qu'on l'écoute, c'est une bonne idée. Et ben, on aurait pu faire le premier et le dernier. Voilà. Justement, on va s'écouter les deux derniers titres. Ah ben voilà. Voilà. Les deux derniers titres, non pas qu'ils soient plus représentatifs que d'autres de cet album-là, cet album derniers. Est une merveille. Sincèrement, moi, des trois, c'est celui qui a un faveur. Mais les autres, tous sont très bien. Mais celui-là, je sais pas, il a un truc au niveau de l'instrumental. Et puis, je sais pas, voilà, j'avais écouté ça il y a très longtemps. Je m'étais souvenu de trois morceaux. Et en fait, ceux dont je m'étais pas souvenu, ils sont encore mieux que ceux dont je me souvenais. Bref, je vais arrêter de raconter ma vie, mais voilà, la musique, c'est de l'émotion, c'est du plaisir, et c'est aussi un truc qui change dans ses souvenirs, on y revient, et en fait, c'est pas tout à fait pareil, et c'est trop bien, du coup, on redécouvre, je voudrais être amnésique et oublier tous les jours la musique d'Albert Marker pour la redécouvrir le lendemain. Oui, bref, on va donc s'écouter les deux derniers titres, donc toujours issus de cet album Albert Marker, sorti en 1974, vous avez de la veine, en 74, vous auriez peut-être pas pu l'écouter, là, on peut l'écouter tous, on va donc écouter Mon père avait un petit champ de pommes, suivi de Qu'est-ce que tu as, ou comment illustrer très simplement le talent, le génie de ce gars-là en tant que poète aussi, d'arriver à faire des textes ou d'arriver à faire des chansons, à créer des univers parfois à partir de rien. Ces titres en général sont anecdotiques, et l'histoire elle est pas plus folle que ça, c'est juste comment il dit, la diction, le posé, il y a vraiment quelque chose unique aussi dans l'écriture d'Albert Marker. La musique est géniale, les textes le sont aussi. Et ben bon voyage donc avec les deux derniers titres qui concluent cet album. C'est-à-dire que ça ferait... On t'arrive de nuit 200, je crois, il y a 200. On abandonne le terrain, on abandonne le terrain, on abandonne le terrain, on abandonne le terrain, on abandonne le terrain, on abandonne le terrain, on abandonne le terrain, on abandonne le terrain, on abandonne le terrain, on abandonne le terrain, on abandonne le terrain, on abandonne le terrain, on abandonne le terrain, on abandonne le terrain, on abandonne le terrain, on abandonne le terrain, on abandonne le terrain, on abandonne le terrain, on abandonne le terrain, on abandonne le terrain, on abandonne le terrain, on abandonne le terrain, on abandonne le terrain, on abandonne le terrain, on abandonne le terrain, on abandonne le terrain, on abandonne le terrain, on abandonne le terrain, on abandonne le terrain, on abandonne le terrain, on abandonne le terrain, on abandonne le terrain, on abandonne le terrain, on abandonne le terrain, on abandonne le terrain, on abandonne le terrain, on abandonne le terrain, on abandonne le terr Il pleut. Les gouttes tombent lentement. Lentement. Qui les retient? Les retient. Qui les retient? Mon père avait un petit chanton comme il en pom pom comme mirabilu. Mon père avait un petit chanton dit bilom papilom comme mirabilom pom pom mirabilu. Il rencontrait une volée d'oie comme il en pom pom comme mirabilu. Il rencontrait une volée d'oie dit bilom papilom comme mirabilom pom pom mirabilu. Ils sont fusillés 103-3 comme ils pom pom comme mirabilu. Ils sont fusillés 103-3 du bilhomme comme bilhomme comme mirabilhomme comme mirabilu. Et manger tout au même repas comme ils pom pom comme mirabilu. Et manger tout au même repas du bilhomme comme bilhomme comme mirabilhomme comme mirabilu. Malado les trois mois comme une homme pom pom pom comme mirabilu. On fume malado les trois mois des bilhommes pom bilhommes comme mirabilhomme pom pom mirabilu mirabilu. Je sais pas. Qu'est-ce que tu as? Je sais pas. Tu ne vas pas rester tout seul, comme ça, dans cet état. Il faut bien que je reste quelque part. Laissez-moi. Mais c'est dans cette misère, mon Dieu. Vous devriez me laisser respirer une ou deux minutes. M'énervez. Si tu te regardais dans la glace, tu serais pas fier. Je sais, mais la glace est trop loin. Faut pas rester comme ça, ouvre-toi, l'air est froid. J'ai pas froid, j'ai froid. Qu'est-ce que tu as? Je sais pas. sais pas, je sais pas. Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? Je sais pas, je sais pas. Tu vas pas rester tout seul, comme ça, dans cet état. Il faut bien que je reste quelque part. Laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. Me laissez dans cette misère, mon Dieu ! Non, non, non ! Vous devriez me laisser respirer une ou deux minutes. N'écoute pas le mal ! Parle, bouge un peu ! M'énerver, m'énerver, m'énerver. Faut pas rester comme ça, couvre-toi, l'air est froid. J'ai pas froid, j'ai pas froid. J'ai froid pas, j'ai froid. Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? Je sais pas moi, je sais pas moi, je sais pas moi. Et voilà, c'est sur ce magnifique emprunt que se termine ce Qu'est-ce que tu as ? Emprunt qui lui a valu de s'embrouiller d'ailleurs avec Jacques Dangean. Ça fait juste les deux dernières mesures là, quoi. Absolument rien à voir avec le morceau. Tintum ! En fait, c'est un truc qu'il a piqué dans un best-of de jazz et du coup, ouais, Jacques Dangean lui disait quand même c'est pas très très sympa. Voilà, c'est pour la petite anecdote. Et au passage, sur le site internet d'Albert Marker, il y a une petite bio et puis une petite explication de chaque disque, mais vraiment vite fait. En fait, c'est pas vraiment une explication, ce sont des anecdotes à chaque fois. C'est plutôt intéressant. Ça raconte pas forcément l'histoire du disque, mais la petite histoire dans le disque. Voilà, je vous invite à y aller. Ce disque-là, je vous invite à l'écouter. En boucle, je vous invite à arrêter de m'écouter, à écouter cet album-là. Enfin, c'est vraiment, c'est une merveille de chez merveille. Nico, que penses-tu de tout ça? Ah ben, c'est un génie. Hein. Mais en fait, les trois premiers albums, c'est pas la personne Albert Marker comme lui. Il le considère comme un groupe. Donc, parce que c'était avec ses deux frères qui faisaient ces albums. Et qu'ils n'arrivaient pas de... Parce que les autres étaient assez timides. Ces deux frères étaient très timides. Et qu'ils disaient, OK, si on veut s'appeler Marker, on va le dire Albert Marker. Parce qu'il y a quand même une grande distinction entre les deux choses. Donc, beaucoup de gens disent, c'est la personne Albert Marker. Ça s'est devenu après. Au départ, c'était vraiment comme un groupe. Mais c'est fantastique comme musique. Hein. Comme musique, c'est... C'est tu disais aussi le premier album que je sais pas bon ils ont pas qu'est-ce que tu as dit exactement que la maison de disques avait pas voulu jouer le rôle de la promotion de l'album une fois qu'il était sorti et qu'ils avaient même jusqu'à casser leur contrat de vente et surtout casser tous les stocks de disques pour pas avoir payé le loyer du stock de disques quoi en gros quoi. Mais c'est plutôt une chose qu'ils disent, mais en réalité, c'était pas vraiment le cas. Parce que c'était un album qui était vendu dans des chiffres gigantesques. C'est le seul album qu'on trouve partout. Partout, c'est un grand mot, mais qu'on voit souvent. Il y a des milliers et des milliers d'albums qui étaient sortis. C'était plutôt au niveau des droits d'auteur. Je sais pas si tu connais un peu l'histoire de le droit d'auteur d'Albert Marker. Oui, plutôt par la suite, notamment le livre qu'il avait écrit là, sur, la, sur ses rapports avec la SACEM, mais pas, à cette époque. Ouais, à cette époque, j'ignorais. Ouais, ouais. Je sais qu'il a eu, des mailles à partir avec la SACEM. Il en a sorti un super bouquin d'ailleurs, qui s'appelle Monsieur Marqueur, ça fait longtemps qu'il fallait nous appeler, ou un truc comme ça. Ce qu'on lui a répondu quand il a téléphoné pour réclamer des droits d'auteur sur, sur sa musique. Et c'est, le bouquin, ce sont ses échanges épistolaires avec l'institution. C'est très drôle, c'est illustré par Plonk et Replonk, qui est un graphiste extraordinaire, qui était un graphiste extraordinaire, hélas. Et vraiment, c'est petit bijou qu'on peut trouver au concert d'Albert Marqueur. Ouais. Ben c'est, alors c'est marrant, tu contredis complètement le livre que j'ai sous les yeux. Du coup, bon, tant pis, c'était une belle histoire. Enfin, en tout cas, on s'en fiche que cet album ait été distribué ou pas, ou qu'il ait été écouté beaucoup ou pas. C'est juste vraiment un petit bijou. Voilà, c'est vraiment une merveille, et d'écouter ça là maintenant, ça fait vraiment super plaisir. Que dire de plus, à la suite de la sortie de cet album, donc on est quoi, on est en 1974, 75, Albert Marqueur fait deux concerts en première partie de Dick Annegarn, avec qui il avait déjà bossé sur deux disques précédemment, et pour qui il a carrément écrit des arrangements de quelques chansons, et du coup il joue avec son groupe, voilà, dont parlait Nico tout à l'heure, donc l'ensemble avec Claude Marqueur, donc qui est à la batterie, Gérard Marqueur qui est aux percussions, Pascal Arroyo à la basse électrique, François Ovid à la guitare électrique, Pierre Vermeer, clarinette, trombone, sax, horn et baryton, et Denis Brély au basson. Voilà. Et François Lassalle à la flûte. Ouais, décidément, ils sont vraiment beaucoup. Et c'est tous ces musiciens-là, enfin une bonne partie de ces musiciens, donc, qui deviennent le groupe d'Albert Marqueur et qui va enregistrer le deuxième album d'Albert Marqueur qui s'appelle Album à colorier. Un petit point pochette, parce que Nico nous a dit que c'était aussi un des critères qui faisait que Steve Stapleton pouvait acheter un disque et donc par la suite l'aimer et le passer dans la Nurse With One List. Les pochettes des albums d'Albert Marqueur, de ces trois albums-là dont je vous parle ce soir, sont assez extraordinaires. C'est tout le temps un travail assez fou. Le premier album, donc c'est plus ou moins son profil, mais qui est composé un peu à la façon de Archimboldo, tu vois, avec des fruits, des légumes. Par contre, là, on va avoir des instruments, des objets un peu divers et variés. C'est très beau. Et le deuxième reprend le même principe, donc d'un profil d'Albert Marqueur composé d'objets hétéroclites, le tout très colorié. Et de l'autre côté du disque, la dernière de couverture, c'est exactement la même illustration, mais en noir et blanc, avec du blanc au milieu, c'est l'album à colorier. Et quand tu ouvres l'intérieur de cet album, tu as les musiciens qui sont cités, les paroles et beaucoup de dessins qui illustrent chacune des chansons avec qui sont en noir et blanc, enfin avec du blanc au milieu, avec des petits pointillés, des numéros comme dans les albums à colorier pour enfants, le numéro correspondant à une couleur. On peut donc colorier cet album. Voilà, l'album à colorier, donc il sort en 1976 et des couleurs, il n'en manque pas. C'est la suite logique de ce qu'on a entendu tout à l'heure, quoi, avec un meilleur son, je dirais. Toujours un peu cette folie et cette justesse dans les textes et dans les ambiances. Que dire de plus, j'avais dit que je parlais pas trop. Alors du coup, on va s'écouter le titre qui introduit l'album, qui s'appelle Monsieur l'épouse. Voilà, ça me permet aussi de souligner non seulement le travail d'écriture assez fou d'Albert Marqueur, mais le fait que c'était quelqu'un qui était pointilleux dans tous les détails de l'écriture et de la façon de jouer sa musique. J'en reparlerai tout à l'heure, très pointilleux aussi dans les concerts, encore un point commun avec monsieur Frank Zappa. Le titre qu'on va écouter par exemple, c'est des klaxons. Ça commence par des klaxons, mais bon, forcément c'est sur partition, il y a de la croche, de la double croche, tout ce que tu veux. Voilà, c'est pas juste des klaxons, il n'y a pas de détails dans la musique d'Albert Marqueur, c'est ce qui en fait notamment la saveur. Donc c'est parti pour écouter Monsieur l'épouse, et puis dans la foulée, même s'ils se suivent pas dans l'album, mais parce que j'ai beaucoup parlé, on va écouter La cueillette des noix. Voilà, c'est parti, donc toujours Albert Marqueur sur Radio Radio. Les voitures se touchent et monsieur les pousse à mal à la tête. Il a une fleur dans la bouche, et comme il n'y a pas de place entre ses dents, il l'a fixé sur sa langue avec du papier collant. Les voitures s'espacent un peu et monsieur les pousse s'en profite pour mettre sa fleur. Les voitures se touchent et monsieur les poussins en a plein la bouche. J'ai changé de trottoir, je n'avais pas envie de le voir. Lui aussi, on s'est dit bonjour. Monsieur les pousses vous attend tous, la bouche ouverte dans son nouveau garage. 9 rue Georges Le Couturier, Châteauroux. Comme tous les ans, s'est préparé. Il a mis son chapeau blanc, comme tous les ans, et son vieux tablier noir en cuir d'Iran ou de Côte d'Ivoire. Je me souviens plus exactement. Il a libéré les grands paniers d'osier. Du linge sale de la dernière semaine. Il fera sa lessive l'année prochaine. Et puis il a lassé ses espadrilles. Cirer son ceinturon, il faut que ça brille. Expliquer que dans sa famille, on a toujours cueilli les noix comme ça. On disposait les paniers d'osier sous l'arbre. C'était de grandes corbeilles carrées pour couvrir toute la surface du feuillage. Comme ça, il n'y avait pas de trous. Toutes les noix tombaient à l'intérieur des corbeilles. On enroulait le ceinturon autour de l'arbre et on donnait des petits à-coups très secs. Assez sec pour que les noix tombent, mais pas trop quand même, pour pas lui faire de mal. Le ceinturon se transmettait de père en fils. C'est avec une grande fierté qu'Antoine Varget s'est approché de son arbre. Voilà, c'est ça qui se passe quand Albert Marker nous raconte la cueillette des noix. Il y a non seulement cette musique complètement imprévisible et folle, et puis aussi ce récit, cette façon de poser les choses, de faire événement de tout fait anodin. C'est fou. Voilà. Ouais, c'est marrant. Je suis encore. Les mélodies sont très très drôles aussi. Je comprends qu'on le compare dans l'approche à Zappa. On peut aussi le comparer à Hermeto Pasquale si on veut faire du name dropping ou des trucs comme ça. Mais ouais, c'est cool. Ouais, puis il y a aussi dans l'autre sens plein de choses qu'on peut aussi comparer ou de gens qui ont probablement dû écouter Albert Marker, y compris dans. Ça me fait penser à quelques groupes français un petit peu foufous là, qui font de la musique un peu zap, enfin qui faisaient il y a quelques années de la musique, je dirais, un peu Mr. Bungle à la française. Avec ce côté. Enfin, je trouve, il y a ça. Enfin, je pense pour que... Stéphane Marcaillou de Magister Dixit, qui était très fan de ça. Magister Dixit, groupe de Dzel toulousaine. Hein. Enfin, je sais pas si on peut dire ça, mais apparenté à Magma, à Marker et autres Steve Reich, etc. Un personnage et guitariste très intéressant et qui me disait déjà à l'époque d'écouter Albert Marker. Je ne l'avais pas fait. Merci Manu. Eh bien, il avait bien raison. Puis c'est pas fini. Tu vas encore continuer à écouter Albert Marker, alors, surtout si ça te plaît. Ouais, c'est cool. On va s'écouter donc toujours de tirer de l'album À colorier. On va enchaîner deux morceaux qui ne s'enchaînent pas dans l'album, mais c'est pas grave. On va donc écouter Elle était belle. Attention, petit chef-d'œuvre. Et Ouvre-toi, qui est, je crois, le morceau qui ferme l'album, d'ailleurs. Voilà. Et c'est parti. Je l'ai connue un soir à la fin d'un bal. Elle tenait la buvette, ça paraissait normal. Elle m'a dit tiens, tu peux garder mon portefeuille. Je vais aux toilettes, fais attention, y a de l'argent dedans. J'ai dit je vais mettre l'argent dans mes chaussettes, ça risque moins. Y'en avait qui buvaient leur dernière topette, leur dernier chagrin. Y'en avait qui comptaient les billets, des autres qui empilaient la monnaie. Un peu plus tard, elle est revenue. Elle m'a dit, dis-moi comment ça s'appelle l'instrument que tu joues. Je lui ai dit, ça s'appelle un saxophone. Elle m'a répondu, c'est pas très beau l'instrument que tu joues, je préfère la guitare. Je l'ai regardé et je lui ai dit, je lui ai rien dit. J'ai tourné la tête, puis j'ai pleuré. Elle était belle. Il y a un avion qui passe. Ils doivent regarder si ta voiture est là. Mais t'es venu à pied, t'as bien fait. Ils te rompent pas comme ça. Tiens, prends-nous une petite Mirabelle, elle, au moins, elle se cache pas. Il y en a qui la cachent, pour en garder un peu pour l'année prochaine, ou pour pas se faire prendre. Mais toi, te cache pas, ouvre-toi, ouvre-toi, et ferme la porte. Ouvre-toi, ouvre-toi. Ouvre-toi, donc c'était toujours Albert Marker sur Radio Radio, l'album à colorier pareillement, un album que je recommande dans son intégralité. Vous avez pu un peu saisir les couleurs de cet album-là, plus, mieux produit que le premier album, avec toujours ce talent de glisser des fois dans des ambiances électriques et des fois dans des ambiances, comme on vient de l'entendre, quasiment symphonique, en tout cas acoustique. Et c'est quelque chose qui suivra d'ailleurs Albert Marker dans toute la suite de sa carrière. Là, on va en 1979. Oui, non, j'ai juste oublié de vous dire que sur scène, ouais, voilà, c'est aussi une comparaison qu'on pouvait faire avec Frank Zappa. Sur scène, pareil, il y a un décor, tout est vraiment calculé. Décor campagnard, les amplis sont dissimulés derrière les armoires normandes, les tuyaux de poêle prolongent la batterie, tandis que les tonneaux de bois dissimulent les fûts de celle de Claude Marker. Voilà. Quant à son frère Gérard Marker, il officie devant un pupitre et un tableau d'écolier. Voilà. Il y a toujours donc un espèce de petit décorum. Tout est calculé. Mais tout est vraiment calculé. L'occasion de rencontrer Albert Marker au festival Rock in Opposition, où il avait joué avec le Quatuor Bella. Je reviendrai peut-être plus tard sur cette collaboration. Mais tout ça pour dire que je lui avais parlé justement du Rock in Opposition. Il était assez proche du mouvement Rock in Opposition. En tout cas, il y avait des connexions musicales et des amitiés évidentes. Lars Ulmer a essayé de l'embaucher dans son groupe. Ça n'a jamais pu se faire. Au contraire, c'est Denis Brély, qui officie au basson dans le groupe d'Albert Marker, qui lui rejoindra la bande de Von Zamla, donc quelques années plus tard, quand Samla Mamasmana ne s'appelait plus Samla Mamasmana, mais ça, on y reviendra plus tard à la lettre S, parce qu'ils sont eux aussi dans la liste. Ah, bah oui. Trouver des similitudes entre la musique de Samla Mamasmana et celle d'Albert Marker aussi, il y en a vraiment beaucoup. Donc si vous aimez bien et que vous ne connaissez pas ce groupe suédois, jetez-vous donc sur les 3-4 premiers albums de Samla Mamasmana. Fin de la parenthèse, on revient donc à Albert Marker, on est en 79, il change sa maison de disques et là il signe chez Philips Phonogram, donc encore plus de moyens pour son troisième album Armes et Cycles, qu'il enregistre dans les studios du château d'Hérouville. Combien de grands albums auront été enregistrés là-bas. Toujours ce petit souci du détail dans les moindres interventions qu'on retrouvait déjà, mais encore plus appuyé sur cet album-là. Des morceaux plus courts, mais toujours aussi délicieux. Et on va s'en rendre compte en écoutant. Allez, on va se faire plaisir, on va s'écouter 4 titres enchaînés de cet album-là qui s'enchaînent pas forcément sur l'album. Il y a juste les deux du milieu qui s'enchaînent, mais ça donne une belle couleur. Ça permet d'écouter toujours du Albert Marker. Donc on va écouter Linge sale. suivi d'ampoules grillées, suivi de réveil, suivi de Micheline. Il y a des textes, il y a des morceaux instrumentaux, il y a un petit peu tout cet album résumé dans ces quatre titres. C'est parti. Cool. Je comprends. vais échapper. Il est 23h sur Radio Radio 106.8 ou alors peut-être qu'il est minuit 30 sur Bram FM 100.1 je crois, mais je suis pas sûr, en tout cas c'est vraiment autre chose. La 203e édition et nous venons de terminer donc un gros focus sur Albert Marker après avoir fait un gros focus sur The Mother of Inventions. Ben oui, nous sommes en train d'explorer la Nurse with One List radiophoniquement au pied de la lettre, c'est la lettre M, c'est pour ça qu'on a parlé de tout ça. Que dire de plus sur Albert Marker, qu'il a continué à faire carrière. Son quatrième album, il le sort dans les années 80, il s'appelle Celui où il y a Joseph. Parce que c'est celui où il y a une chanson qui s'appelle Joseph dedans. C'est le seul, il n'y a pas d'autre album d'Albert Marker avec un morceau qui s'appelle Joseph. C'est comme d'accord. ça qu'on reconnaît celui-là. Et c'est pas loin d'être son meilleur. En tout cas, il est vraiment très très très bon, produit avec encore plus de moyens. Et un son vraiment impeccable et des textes toujours aussi formidables. Et puis ce talent, comme vous avez pu l'entendre pendant une heure, de atelier, une musique un petit peu folle, un peu zapayenne, avec des moments plus classiques, avec du field recording, avec un peu tout ce qui lui passe par la tête, le tout très orchestré et calculé à la seconde. Voilà, donc il y aura cet album là, donc celui où il y a Joseph, que je recommande particulièrement. La suite, je la recommande un peu moins, on va dire que c'est un petit peu plus inégal, mais que même dans l'inégal, même dans le moyen Albert Marker, il y a quand même des très très belles choses. On les écoute avec plaisir, on les réécoute pas forcément beaucoup de fois. Par exemple, l'album avec Élise Caron, il y a beaucoup trop de claviers, mais il y a quelques chansons quand même assez sublimes. Bon, par la suite, Sport et Percussion, qui est très bien aussi, peut-être un peu plus mineur. Pour moi, il réatteint le sublime quand il commence sa collaboration avec le quatuor Bella. Là, ça, c'est magnifique. Il y a un album qui s'appelle Si oui, oui, sinon non. Là, on est, je sais pas, il y a 4-5 ans en arrière, je dirais. Donc, c'est vraiment très récent. Celui-là, pareil, je le recommande particulièrement. Je le mets au même niveau que les premiers. Il y a une justesse dans le texte qui est incroyable. Là, vous avez passé les valises à roulettes. Exactement, voilà. Ben, très bon exemple de je prends quelque chose d'anodin et j'en fais une poésie surréaliste hyper belle. L'orchestration est sublime. Il faut dire que le quatuor Bella, ben, ça joue du tonnerre. C'est un vrai orchestre à cordes très, très réputé et à juste titre. Et voilà pour mes petits conseils d'écoute d'Albert Marker. Une fois qu'on a exploré ces trois albums-là, ils durent une demi-heure chacun, ils sont très courts et très condensés. On en a écouté une demi-heure en tout. Voilà. Et maintenant, Nico, je te cède la parole. Si tu veux rajouter quelque chose sur Albert Marker, c'est bienvenu. Il y a peut-être encore aussi à dire qu'il y a. Pour le SNCF en France, il a aussi fait une fois une cassette qui était splendide. Ah bon? Je ne sais pas si tu le connais, mais c'est une super cassette. Non, carrément pas. Il faut pour la SNCF. Oui, oui, absolument. Ah ouais? C'est autour des trains, toutes les choses comme ça, c'était super. Mais c'est une chose qu'on trouve rarement, mais la cassette est fantastique. Et il a aussi fait une autre cassette. Une face c'est Dissit et l'autre c'est Albert Marker, et ça c'est sur comment s'appelle le label, je ne sais plus le nom de le label. Aussi deux cassettes fantastiques, c'est vraiment ouais. Je pense que c'est sur Tagomago, c'est que mon souvenir est bon. Oui, tu as tout à fait raison. Ouais, cette espèce de split l'album avec This Hit. Ouais, il y a effectivement toute la discographie d'Albert Marker, même ses échanges avec la SACEM sont savoureux, des problèmes avec des maisons de disques, il en aura beaucoup là juste après la sortie de cet album là. Il y a un titre qui est utilisé par Philips dans une compilation sans lui demander son avis. Donc c'est parti procès etc. mais au final il en sort perdant, même de toutes ces embrouilles avec la SACEM. Au final il monte sa propre maison de production, le label Frère d'ailleurs, puisque bon, c'est encore une histoire de fratrie, les marqueurs, comme je vous disais. Et du coup, il autoproduit ce qu'il fait, et c'est très bien. Voilà. Et il multiplie les collaborations, c'est quelqu'un d'extrêmement ouvert. L'occasion de l'interviewer, c'était assez formidable. C'est un gars qui est hyper au courant de tout ce qui se passe maintenant, qui est un gros fan de Schrom, par exemple, enfin qui écoute vraiment les choses actuelles. Et c'est pas rare de le voir encore faire des collaborations avec des musiciens comme ça. Je l'ai vu en duo, on l'a fait jouer. C'était le plus beau jour de ma vie. Dernier concert avant le premier confinement, on a fait jouer Albert Marker au Taquin en duo avec le guitariste Eric Thomas. C'était formidable. Là, c'était des textes inédits. Voilà, il rejouait pas ses vieux tubes. Il avait écrit exprès pour ce duo-là. Lui, il faisait un peu de percussion sur sa table. Il y avait la guitare. C'était une ambiance. C'était juste hyper beau. Et voilà, et je sais qu'il collabore aussi avec notre ami Timothée Coste, le trompettiste, qui lui est plutôt dans la musique contemporaine, bruitiste, voilà, des choses comme ça. Donc du D'accord. coup, voilà, dire que c'est quelqu'un qui se marie avec plaisir à des univers nouveaux à partir du moment où la proposition lui paraît intéressante, et que c'est toujours quelqu'un d'être très actif, de très... voilà, et que c'est une personne d'une personne. Enfin voilà, c'est vraiment quelqu'un de très gentil, et ça fait plaisir de, ouais, de l'évoquer. Je me souviens comment qu'il était venu à Radio Panique, c'était la même chose. C'était... il est splendide, ce monsieur-là, c'est un bijou. Tout à fait. Sur ce bijou, vous avez pris la parole, mon cher, je vous la laisse. Ok, donc on est à la lettre M, et je vais commencer avec Mark Cunningham. Tu vas me dire, mais. C'est quand même avec un C. OK, Mark, c'est son prénom. Mais Mark Cunningham, il a grandi à Tenafly, dans le New Jersey, un banlieue résidentielle située en face de Manhattan. Enfant, il a commencé à jouer de la trompette dans la fanfare de l'école, défilant lors de matchs de foot ou des paroles en automne et au printemps, et jouant le plus grand succès classique dans les auditoriums scolaires en hiver. Mais c'est au début de son adolescence qu'il a vraiment découvert la musique en écoutant sur une petite radio de transistor le tube pop du milieu des années 60 et sur les vieux postes de tube à honte de cours. Toutes les sortes étranges sont être en les stations qui semblaient venir de l'espace. Max s'est alors mis à la guitare et a appris suffisamment pour jouer les reprises dans un groupe de garage qui n'a jamais sorti du garage et a parti tout intérêt pour le corps pendant un certain temps. Il fait des études en Amérique de l'Ouest, à San Francisco ou Californie, je ne sais plus exactement où, où il a rencontré Arthur Lindsay lors de sa première nuit, une amitié qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Et en 1974, il retourne à New York, Manhattan, en compagnie de Arthur Lindsay. Et en 1974, Mark a déménagé à Manhattan, qui à l'époque était bon marché, dangereux et totalement sauvage. Le CBGB's venait à naître, donc c'est le lieu mythique à New York de tous les groupes punk, rock, machin, comme Television, The Ramones, Patti Smith, Talking Heads, qui venaient tout de trouver leur son, ce qui fut une révélation et une balise, et car ils pouvaient faire de quel point ils étaient faciles de montrer un groupe. Avec Mars, il a joué, donc il a créé une formation qui s'appelait Mars, et c'est là où que tout a commencé. Il a joué leur premier concert en janvier 77 au CBGB's, et quelques mois plus tard, Arthur a monté DNA, Lydia Lunch et James Chance, Tilly Jesus and the Jorks. C'était leur moment en tant que le No Wave, qui aura l'époque seulement à Manhattan, car Mars n'a jamais réussi de jouer en dehors de cette ville. On va écouter deux morceaux de leur single qui était sorti en 78. Les deux morceaux s'appellent 3E et l'autre face c'est 11 000 volts. Et tous les deux étaient sur le label Rebel Records. Voilà, c'était Mars avec leur 45 tours qui s'appelait donc 3E et 11 000 volts. Et c'était à cette époque-là que, on peut dire, l'histoire est commencée. Parce que c'est des gens, ok, Mark Cunningham était quelqu'un qui étudiait un peu de la musique, mais beaucoup des autres artistes, c'était des gens qui n'ont jamais joué des instruments. Et comme le CBGB a lui invité de faire un concert, il a directement accepté sans qu'il ait eu une formation. Donc il dit, ok, on va vite voir avec les musiciens. Il a construit cette formation qui est devenue, au départ, il s'appelait China. Parce qu'un des musiciens appelait Lucy Hamilton et elle utilisait le nom China Burke comme nom et il trouvait ça un super chouette nom. Mais au moment qu'il sortait du concert, il voyait une publicité avec le nom China qui était très commercial et à ce moment-là, ils ont décidé de changer le nom de la formation. Et aussi, dans cette période-là, 77-78, il y a Brian Eno qui était à New York et qui a vu ce concert-là. Et il était vraiment impressionné de ce concert-là, qu'il a dit, OK, je dois vraiment enregistrer ces choses-là parce qu'il y a entre-temps, comme je viens de dire, Teenage and the Jerks, DNA, et qui encore, après Mars, il était... Je ne sais plus quelle est la quatrième formation qui était là et qui disait, OK, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très spécial qui se passe pour l'instant à New York et qu'il a pris la décision de l'inviter quatre groupes dans un studio et enregistrer un album qui s'appelle No New York. Et donc là, c'est l'album iconique qui était venu parce qu'après, c'était enregistré en 78, mais finalement, c'était... sorti en 80, déjà au moment que tous les groupes n'existaient plus. Donc, c'est quand même Brian Eno qui a bien compris que c'était une formation assez importante. Et je pense que, je ne sais pas si vous connaissez cette formation Mars déjà avant ou c'est la première fois que vous venez d'entendre. Ouais, non, je n'avais jamais entendu parler. Ouais, moi, je dois avouer en plus qu'avec ta présentation tout à l'heure, Arto Lindsay et tout, je ne m'attendais pas du tout à ça. Ça fait trop du bien. C'est cool. Ouais. C'est chouette. Non, je découvre. C'est super. Ouais. Parce que après, c'est devenu un mouvement que s'appelait No New York. Qu'est-ce que j'ai dit ? Non, c'est pas. C'est le No Wave, excuse-moi. C'est le No Wave. Il ne faut pas le comparer avec le New Wave. C'est complètement quelque chose d'autre. Mais ici, c'est vraiment No Wave. Donc, c'est un mouvement qui existait fin des années 70 qu'à Manhattan. Donc, rien d'autre, pas dans une autre ville, rien de tout. Et donc, à côté de ça, il y était aussi Glenn Branca qui a eu une formation qui était liée avec ça. Mais pour l'album que Brian Eno voulait enregistrer, il voulait au départ, encore invité des autres formations, mais les quatre qui étaient sélectionnés disaient « Oh, mais c'est bon, c'est bien avec nous quatre, il ne faut pas encore ajouter des formations parce que si qu'il ajoutait des autres formations, chaque groupe pouvait jouer moins de morceaux. » Et donc, ils étaient assez malins de dire « Ok, on va garder que quatre formations. » Et sur l'album de No New York, il y avait quatre morceaux qui étaient enregistré. On va écouter les quatre morceaux en chaîne. On va écouter Helen Forsdale, on va écouter Hair Waves, on va écouter Tunnel et on va écouter aussi le quatrième morceau qui s'appelle Puerto Rican Ghost. Et donc, c'est les quatre, c'est sur le label, sur l'album, le compilation No New York de 98. We'll be right back. Puerto Rican Ghost, le fantôme de Puerto Rico. Du coup, c'est Nico, c'est, est-ce que c'est ce type de musique qu'on appelle du post-punk? J'ai toujours eu du mal à savoir ce que c'était le post-punk. Et comme souvent, c'est accolé au No Wave, je me disais, tiens, est-ce que c'est familier? Peux-tu éclairer ma lanterne? J'ai pas l'impression. Et c'est pas eux le considéreraient pas du tout dans ce sens-là, mais. Ok, d'accord. Eh ben merci beaucoup en tout cas pour cette chouette découverte. Donc issue d'une compilation parue enregistrée en 78, parue en 80. C'est ce que tu disais. Oui, je fais une bêtise. Je disais 98, mais c'est 78. Tout à fait. Eh ben, merci de la précision, puis merci pour la découverte. Eh ben, c'est ainsi que va s'achever cette émission de Vraiment Autre Chose. Bonjour les petits enfants ! Encore lui ? Ah, il est toujours là ! Il est réveillé ! Et pourquoi tu comprenais les petits enfants ? C'est le grand-père du grand Magic Circus, là, celui qui raconte l'histoire du gentil loup et des trois méchants cochons. Voilà, on avait parlé du grand Magic Circus. Putain, la lettre G, je crois, forcément, de cette liste. Depuis, je l'ai gardé, ce grand-père, je l'aime bien. Il réclame tout le temps des enfants, c'est un peu bizarre. Ouais, c'est chelou. Il est l'heure d'aller vous coucher, les enfants. Il est l'heure d'aller vous coucher. Il est même l'heure pour nous d'aller nous coucher. Vous avez écouté donc Vraiment Autre Chose, 203e édition, au pied de la lettre 29. Nous avons donc continué à explorer la Nurse With Wound list ce soir. Sur la lettre M, il y a deux groupes qu'on avait prévus ce soir. Ce sera pour la prochaine fois. Voilà, c'est une émission à l'image un peu des musiques qu'on écoute, qui n'est pas forcément calculée. Il y a certains groupes sur lesquels on s'est arrêté sur deux morceaux alors qu'on aurait pu passer les albums entiers. Des moments où on se fait des focus, c'est comme ça, c'est pas calculé. La preuve, ça fait deux fois que je vous annonce Magical Power Mako, promis, ça vaut le coup d'écoute en plus, mais à chaque fois c'est relégué à la suivante. Ce sera pour la prochaine. C'est le cas du groupe dont tu voulais parler, Nico, à savoir... Excuse-moi ? Tu voulais parler, toi aussi tu avais prévu un groupe ce soir que tu remets pour la prochaine fois. Absolument, c'est MEV, donc Musica Electronica Viva. Voilà, pour la prochaine fois. On vous tease pour jeudi prochain. D'ici là, il est temps pour nous de faire l'interminable récapitulatif de fin d'émission. On a démarré avec toi, Stéphane, avec un bon petit focus, non pas sur Frank Zappa, non pas sur les Mothers, mais sur les Mothers of Invention. Bah oui, tout à fait. Il faut que je dise les titres, c'est ça. Voilà, et même issus des albums. Issus des albums, ok. Alors on a commencé par A Pound for a Brown sur l'album Pound for a Brown on the Bus. Sur l'album Uncle Meat, on enchaînait avec Harry, You're a Beast. So we're only in it for the money. Oh no, Weasels Ripped My Flesh de 1970. Puis... on a enchaîné avec l'album, pour comparer les titres qu'on avait écoutés, on s'est écouté l'album Ahead of the Time, qui est un album enregistré en 1968 au Royal Albert Hall en deux pistes, un spectacle qui s'appelait alors The Plot of Progress. En première partie, on a écouté The Rejected Mexican Pop Leaves the Stage, et ensuite le concert de Frank Zappa qui part de Help I'm a Rock jusqu'à The Orange Country Lumber Truck Part 2. Voilà. Ensuite, on est passé à... on s'est arrêté longuement sur Albert Marker. Continuons donc la lettre M. On a écouté 4 extraits de son premier album paru en 1974, album éponyme. On a écouté donc Serraté, Simone, Mon père avait un petit champ de pommes et Qu'est-ce que tu as ? Ensuite, on est passé au deuxième album en 76, l'album à colorier. On a écouté Monsieur Lépousse, La cueillette des noix, Elle était belle et Ouvre-toi. Ensuite, on est passé au dernier album de cette décennie. On était en 78 avec Armes et Cycles et on a écouté Linge sale, Ampoule grillée, Réveil et Micheline. Voilà, tous ces albums sont hautement recommandables. Et ensuite, on a enchaîné par une formation qui était située à cette époque-là à New York, c'était Mars. On a entendu en premier lieu le premier 45 tours qui s'appelait 3E 11 000 volts, c'était les deux morceaux qu'on a entendus sur le label Rebel Records. Et après, on a enchaîné avec quatre morceaux de la compilation Fantastic No New York. Et les quatre morceaux que nous avons entendus, c'était Helen Forsdale, Hair Waves, Tunnel No New York, justement Tunnel. Et il y a le quatrième morceau qui était Puerto Rican Ghost. Et là, c'est presque la fin de l'émission, mais j'ai quand même une petite surprise. Parce qu'on a parlé de Mark Cunningham, on a parlé de Arthur Lindsay, on a parlé de Lucy Hamilton. Et oui, les trois ont construit en 1985 une autre formation qui s'appelait Donkey Kong. Donkey Kong. Et ils ont créé un morceau, je trouve ça fabuleux. Et j'aimerais le partager avec vous. Et on va écouter un morceau qui était, la première fois, était sorti, et sur l'album, il était une mauvaise manipulation parce que la compagnie de disques a le mis en 45 tours au lieu de. Ils ont mis en 33 tours au lieu d'en 45 tours. Et si vous avez la première version, il était beaucoup trop long, mais ce soir, j'ai vraiment la version. De comme c'est initialement prévu. Et donc, on va écouter le morceau qui s'appelle Reverly King Size Mix, qui était sorti en 85 sur l'album One Two Punch sur le label Double Vision. Et c'était la même, et c'est aussi le revoir. Et on est de retour la semaine prochaine. Okay. Au revoir. Bye bye.